De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Votre rendez-vous communication sur Fadjet. Pour mieux s'entendre, c'est avec Noémie de l'huile dans les rouages, le samedi matin, notamment à 10h30 sur Fadjet et tout le temps en podcast sur le site de la radio et partout ailleurs. Noémie, bonjour. Bonjour Yves. Lors de la dernière chronique, tu as utilisé un terme, la désynchronisation. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que la désynchronisation ? Alors, la désynchronisation, c'est une technique qui consiste à faire l'opposé de la personne en face de nous. Lutter contre la contagion émotionnelle, c'est un super outil pour faire descendre les tempêtes émotionnelles d'une personne en face de nous, enfant, ado, adulte, oui. Et se protéger face à l'agressivité aussi. Donc ça évite chez nous de démarrer au quart de tour, comme on dit. Ça permet de se protéger. Alors comment on va faire justement pour éviter ça ? Alors, on va faire l'inverse de ce que fait la personne en face de nous, surtout au niveau du corps. Si la personne déjà est en face de nous, on va se mettre un petit peu de biais, on va créer un petit peu de distance, plus d'un mètre par exemple. On va éventuellement, si on peut, se mettre assis. Si l'autre fait des grands mouvements, des mouvements rapides, nous on va ralentir les nôtres. Si l'autre parle fort, eh ben nous on va baisser. Parler doucement. Voilà, on va baisser de un ou deux tons et on va parler le plus lentement possible jusqu'à des fois même se taire. Donc, il faut faire attention, quand on fait ça, de ne pas perdre le contact malgré tout, parce qu'on veut entretenir la relation. Si vraiment je prends trop de distance, si je ne regarde plus la personne, là, ça devient de la violence. C'est-à-dire, je suis en train d'ignorer quelqu'un, je suis en train de faire comme s'il n'existait pas. Et là, c'est contre-productif. Il faut garder le contact, il faut que l'autre sente qu'on n'est pas en train de lui tourner le dos. Il faut aussi éviter de sourire, ça peut des fois être une réaction nerveuse. Oui. Souvent, les enfants font ça, d'ailleurs. Ne prenez pas ça personnellement. C'est une façon d'essayer de recréer du lien avec l'adulte. En réalité, c'est pas de se moquer. Et donc, nous, il faut aussi éviter ça, de sourire, parce que l'autre peut croire qu'on se moque ou qu'on se défile ou des choses comme ça. Il faut vraiment avoir cette posture qu'on appelle assertive, de je garde le contact avec l'autre, mais je me protège et je désamorce cette montée d'agressivité. Ça s'apprend, ça. Oui, ce sont des choses que je propose dans mes formations, mes ateliers, mes accompagnements, parce que c'est une vraie gym du cerveau. On n'a pas l'habitude de faire ça. C'est être contre ce qu'on a envie de faire en premier. Et donc, oui, ça s'apprend et ça s'entraîne comme quand on va à la salle et qu'on fait des petits abdos. Voilà, avec des mises en situation. Ouais. Merci, Noémie. La prochaine fois, on parlera de quoi ? Ben, la prochaine fois, je vous propose d'autres outils pour vous protéger de l'agressivité, en plus de la désynchro qui sert aussi à faire descendre les tempêtes émotionnelles de nos interlocuteurs. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.